toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. Alors cette première semaine de juillet en Val d'Amboise, elle est placée sous le signe de la bulle. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que, comme vous le savez, ce sera d'une part la 17e édition du festival BD Les Courants, qui aura lieu ces 6 et 7 juillet à Saint-Ouen-les-Vignes, mais parce que, également, ça va buller aussi du côté de la Charpente à Amboise, où se tiendra la 9e édition du salon Bulle au Centre, le tout premier événement dédié aux pétillons naturels en France. Pour nous parler de cet événement, j'accueille aujourd'hui Julie Joyer. Bonjour Julie. Bonjour Marlène. Alors Julie, vous êtes organisatrice d'événements autour du vin. Là, pour le coup, vous représentez l'association Bulle, dont vous êtes présidente. Oui, tout à fait. Et puis, vous avez plein d'autres casquettes, mais ça, on le dira dans d'autres émissions, puisqu'on est amené à se voir régulièrement. Alors, on va aussi présenter vos invités. Ce n'est pas les miens aujourd'hui, c'est les invités de Julie. Alors, qui est-ce que vous avez invité à nous rejoindre ? Alors, j'ai invité Thomas Puechavi, qui est vigneron à Nazal-Négron. Et Flavie Paya, qui est cidrière dans la vallée du Cher. Merci à tous les deux. Eh bien, bonjour Thomas. Bonjour. Qui est avec nous en présentiel, voilà. Et Flavie, qui est avec nous, mais par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, je renouvelle les remerciements de Julie d'avoir été présents tous les deux aujourd'hui dans cette émission. Alors, est-ce qu'on peut commencer par parler de l'historique un peu de ce salon des vins pétillants naturels ? C'est sa 9e édition. C'est né comment ? Où ? Comment ça a évolué ? Alors c'est un salon qui est né en 2014, donc qui aurait pu avoir 10 ans si le Covid n'avait pas fait sauter deux éditions. Mmh. Donc c'est en effet la 9e édition et ça a été créé à l'origine par deux vignerons de la vallée du Cher, qui sont Pascal Potter et Mose Gadouche des Capriades, qui ont eu envie en fait de réunir en un seul lieu plein de producteurs et productrices de pétillants naturels parce que c'est une méthode vraiment très spéciale dont on va parler aujourd'hui. Donc les pétillants naturels, c'est la méthode ancestrale et donc c'est une seule fermentation qui se termine en bouteille. Voilà, donc c'est une occasion de célébrer cette méthode qui n'est pas la même que pour faire du Vouvray par exemple, du Mont-Louis ou du Champagne. Donc effectivement, on va y revenir évidemment avec nos viticulteurs qui sont avec nous aujourd'hui, bien sûr. C'est un salon qui est réservé aux particuliers comme aux professionnels, c'est ouvert à tous. Alors c'est vraiment ouvert à tout le monde depuis la toute première édition qui avait eu lieu donc à Montrichard, donc il y a eu plusieurs éditions à Montrichard. C'est un salon qui se veut à la fois ouvert au grand public, donc l'idée c'est de venir découvrir des pétillants, mais pas que, on en parlera aussi oui. Après. Puis aussi bien sûr aux professionnels qui se déplacent en général jusque dans la région parisienne, voire le Val-de-Loire aussi en fait, parce que c'est l'occasion de voir en un seul lieu une grande variété de productions, et notamment depuis 3 ans, où il y a à la fois des pétillants de raisin, de pommes, de poires et puis d'autres fruits. Alors vous le disiez, ça s'adresse à tout le monde, y compris pas qu'aux gens de la région, bien sûr. Et puis l'avantage cette année, c'est que ça va se passer à la Charpente, qui se situe 4 rue Charles Péguy, à Amboise. Pour les gens qui ne connaîtraient pas ce lieu, il est juste à côté de la gare. Donc très pratique, si on veut venir, on peut repartir en plus à pied, en train, comme on veut, en bus, il y a tout ce qu'il faut. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des temps forts de cette 9e édition du Salon ? Qui sera présent notamment et quels produits ? Alors, il y aura 35 stands de pétillants naturels, donc des producteurs de vin, donc de pétillants de raisin, qui viennent en grande partie du Val-de-Loire, mais aussi du Beaujolais, du Bugey et de Die, donc la fameuse clairette de Die. Oui. C'est l'occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce produit. Donc, il y aura des pétillants de raisin, mais aussi des cidres qui sont produits soit localement, donc on a des cidres de la vallée du Cher, à partir de pommes du Perche, mais aussi des cidres normands, bretons, du Poitou et même de Lorraine. Donc il y a vraiment des curiosités à déguster, c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'autres fruits, parce qu'il y a aussi des pétillants de Mirabelle et de Coing qu'on pourra retrouver sur le salon, qui titrent à peu près comme un cidre en fait. On peut être à 5, 6, 7 degrés, donc c'est pas très alcoolisé. Puis ça renouvelle un petit peu ce qu'on peut déguster, ce qu'on peut boire au quotidien. Ou lors d'occasions festives. Le vin pétillant naturel, ça gagne en popularité ces dernières années ? Alors oui, ça fait un bon moment. En fait, c'est une méthode qui a été remise au goût du jour dans les années 90. Mais il y a vraiment, depuis une petite dizaine d'années, c'est pas un hasard que Bulle au Centre soit apparu à ce moment-là, un gros regain d'intérêt pour cette méthode, parce qu'elle permet de boire des choses qui sont... souvent un peu moins alcoolisé, mais aussi où il y a une spontanéité, il y a vraiment une fraîcheur. parce qu'on garde tout l'aspect du fruit. Et c'est ça aussi qui est agréable et que c'est une vraie curiosité de goûter des pétillants naturels. Mais oui, en fait, c'est un phénomène qui est plutôt même mondial. On retrouve cette tendance un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Alors le goût, ça change quoi? Qu'est-ce qui est différent finalement d'un pétillant, j'ai envie de dire traditionnel? Alors je ne sais pas Julie si vous souhaitez répondre à cette question ou si on la posera tout à l'heure à nos invités. Alors moi j'avais prévu de la poser aux invités. Eh bien on va se la garder sous le coude alors, okay. Pas de souci, chers auditeurs, vous aurez cette réponse dans quelques instants. Alors peut-être pour revenir sur des éléments très pratiques, ce salon aura lieu de 11h à 19h. Il y a un coût à l'entrée qui est de 5€ avec le verre offert, c'est bien ça? Tout à fait. Alors 5€, en effet, c'est si vous voulez déguster. Mmh. Si vous avez juste envie de venir faire un petit tour dans la charpente, on ne vous fera pas payer l'entrée. D'accord. Justement, je voulais redire un petit mot sur le lieu parce qu'on a été super bien accueillis par donc Nanou et Alex. Qu'on embrasse, qu'on aime beaucoup sur Radioactive. En tout cas, vraiment, le lieu est hyper charmant. C'est un endroit qui n'est pas très connu, même des Amboisiens et Amboisiennes. Quand j'ai distribué l'affiche de Bulot Centre en centre-ville d'Amboise, beaucoup étaient curieux de ce lieu parce que c'est un lieu qui est encore peu connu du public local, parce que c'est un lieu qui permet de faire des résidences artistiques, qui de temps en temps est ouvert justement pour les sorties de résidence, qui mérite vraiment d'être connu parce que c'est un ancien atelier de charpentier. C'est un cadre, vraiment un bel écrin, un beau petit cocon pour venir passer un moment avec nous. Et vraiment, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juste à la sortie de la gare, il y a plusieurs parkings autour qui sont accessibles. On est un petit peu vraiment Bulot Centre. Là, on se sent au centre, à mi-chemin entre Blois, Tours, en tout cas Amboise, va devenir le centre de la bulle dimanche prochain. Très bien. Est-ce qu'on donne la parole maintenant, Julie, aux invités du jour, donc Flavie Paya et Thomas Puechavi? Alors oui, je peux prendre la suite. Eh bien, allez, je vous laisse les manettes, Julie. Merci, Marlène. Alors, Thomas, je voulais commencer par te proposer de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton domaine? Ça fait 5 ans que je me suis installé comme vigneron, ici en Touraine. J'ai des vignes à Vouvray, mais je vinifie à Nazelles-Négron. Donc j'ai pas le droit d'appeler mon vin Vouvray, parce que la cave est à 200 mètres de la limite. Mais c'est pas très grave. J'ai étudié à Amboise, au lycée viticole. Excellente école à l'époque, avec plein de professeurs qui étaient issus des vignerons, vigneronnes de la région. Donc c'était un très bel endroit pour apprendre. Et puis ensuite, je me suis installé quelques années après, quoi, en reconversion de carrière. Voilà. Et j'ai jamais aimé le pétillant naturel jusqu'à ce que j'en fasse. Enfin, je connaissais pas bien en fait. Et je m'étais dit que j'allais pas en faire. Mais finalement, c'est très intéressant, surtout. Enfin, je sais pas si on va rentrer dans les détails, mais sur une récolte parfois où il y a de la quantité et pas de la maturité sur l'ensemble des vignes à un moment donné, ça permet de faire un premier passage parfois et puis de ramasser des raisins qui sont un tout petit peu moins mûrs, mais ça veut pas dire moins qualitatif, mais ça veut juste dire pour une cuvée de pétillant, c'est plus approprié. Donc, t'es tombé dans le pétillant naturel un petit peu par hasard au début? Ouais, complètement par hasard, mais parce que c'est ce que me donnaient les vignes. Enfin, il y avait des raisins qui étaient là et qui étaient pas susceptible de donner des grands vins secs. Et donc, ça m'a permis de passer une partie de la récolte en pétillant. Et j'ai apprécié ça. Et maintenant, j'en fais pas mal. Je fais un pétillant rosé aussi. Je fais même des vins qui sont perlants. Mais j'aime bien ça aussi. Parce que parfois, je capsule mes bouteilles qui sont... où il reste, par exemple, 5 grammes de sucre. Donc, ce sucre va se transformer en bulle. Et ça va donner une légère pétillance. Ça permet d'avoir des solutions pour les vinifications. Et donc, en effet, le terme perlant que tu as utilisé, c'est pour mentionner qu'il y a de toutes petites bulles présentes dans le vin. Mm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Bulle au Centre? Parce que c'est ta première participation cette année. Plusieurs raisons. Quand je suis arrivé dans la région, c'est un des premiers événements auxquels je suis allé en 2016. C'était à Montrichard. Il faisait beau, c'était autour du château. Enfin, il y avait vraiment une ambiance super. Dans les caves, en plus, je pense, il me semble. Ouais, il y avait ça. Et puis là, je suis à 2 km de la charpente. Et ça m'intéresse aussi de rencontrer d'autres producteurs et tout un tas de raisons. Ouais, je suis très intéressé par les cidres notamment et les poirées parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas très bonne connaissance ici en France, au contraire de l'Angleterre. Et ça va être intéressant de goûter tout ça. Et on me permet, Julie, juste parce que vous posez la question du coup à Thomas de savoir qu'est-ce qui lui a donné envie de participer au salon, mais ça veut dire que c'est pas vous au sein de l'association qui sélectionnez du coup les participants, c'est eux qui postulent. Alors, ça peut être dans les deux sens. D'accord. Nous, on invite du monde quand on repère à droite, à gauche, des bulles qui nous plaisent. Et puis, on est tous les ans aussi sollicité par des personnes pour participer. Donc, ça se fait un peu dans les deux sens. D'accord. Et bah, Thomas, je crois qu'on s'est croisé à un salon... Enfin, on s'était déjà croisé plusieurs fois, mais on s'est croisé à un salon au mois de mars à Villebarou. Mmh. Et puis, ça a été l'occasion que voilà, je propose à Thomas de participer à Bulle au Centre. Parfait. Très bien, excusez-moi, je vous ai coupé. Vous avez très bien fait. Donc sur chaque stand de pétillant lors de Bulle au Centre, il y a aussi une boisson sans bulle, parce que tout le monde n'apprécie pas forcément les bulles, ça existe. C'était mon cas avant de travailler pour Bulle au Centre avant 2015, je le confesse. Et donc je voudrais te poser la question, Thomas, qu'est-ce que tu feras découvrir dimanche ? Que des bulles. Une bulle de chenin qui s'appelle les Turbulences, c'est une bulle de 2022. Donc il y a eu un an de latte, c'est un an où la bouteille repose au fond de la cave, donc c'est un gage de qualité, je trouve. Ça affine les bulles, c'est quelque chose qui repose sur les lits, donc ça donne quelque chose d'assez beau. Je vais sortir des vieilles bulles aussi de 2019. Et puis il y aura donc un pétillant de rosé, Gamay Co Cabernet. Par contre, ça c'est 2023. Et puis un perlant de demi-sec de chenin. Ça fait pas mal de choses qui donnent envie. Absolument. Merci. Et ben, je vais maintenant aussi me tourner vers Flavie, qui est en ligne avec nous. Elle entend tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Isabelle, ils disent pas trop de bêtises, Flavie ? Non, non, c'est fort intéressant. Je suis assez d'accord, même complètement d'accord. En tout cas, c'est la troisième édition de Bulle au Centre qui voit à peu près autant de producteurs et productrices de cidre et poiré que de pétillants de raisin. Donc Flavie, je t'ai invitée dans cette émission pour que justement tu nous parles de cidre et de poiré. Qu'est-ce que tu comptes apporter pour Bulle au Centre de ton côté ? Eh bien, donc avec plaisir. Donc je compte amener un poiré du millésime 2023 qui est déjà prêt. Alors il s'agit de poires ramassées au nord du Loir-et-Cher, dans le Perche en Loir-et-Cher. Donc c'est vraiment un micro-terroir tout au nord du 41 dans le secteur de Mont-Doubleau. Et dans ce secteur-là, il y a des grands et vieux poiriers qui ont été greffés il y a fort longtemps. Certains arbres ont une centaine d'années, voire 200 ans pour d'autres. Et là, c'est une variété emblématique du nord du Loir-et-Cher qui s'appelle la poire de loup. Donc on goûtera un monovariétal, 100% poire de loup, qui a fermenté du coup, ben voilà, hein, naturellement, qui a été mis en bouteille, prise de mousse naturelle, et ce poiré a été dégorgé. C'est-à-dire que le dépôt de matière a été expulsé pour avoir une bulle bien nette et un vin de poire effervescent, on va dire, clair. Donc il y aura ce poiré-là, il y aura un cidre 2022 qui est donc resté sur latte, un peu comme les vouvrais en fait, donc gardé couché pendant plusieurs mois de manière à ce que la bulle se complexifie et se nourrisse des lits. Donc toutes ces questions un petit peu comme ça, ces mots un peu compliqués pourront être expliqué par les uns et les autres aux visiteurs lors de Bulle au Centre dimanche prochain. Donc ce cidre 2022 qui s'appelle Les Herbes Hautes, avec des pommes du nord du Loir-et-Cher aussi, puisqu'en fait des pommes à cidre, il n'y en a pas partout, il y en a beaucoup en Bretagne, en Normandie, et il y en a aussi dans le Perche. Alors le Perche est une zone très étendue, mais au nord du Loir-et-Cher, il subsiste des pommiers à cidre, qui ne sont plus exploités ni ramassés. Donc je ramasse une partie de ces fruits et là ce sera une cuvée avec un mélange de pas mal de pommes différentes, mais toutes des pommes à cidre avec des typicités un peu amères, aigres, acidulées. Et ensuite je prévois d'emmener un autre cidre 2023 qui sera plus sur l'acidité avec une robe, quelque chose de beaucoup plus acide et tonique. Et ensuite, normalement, un jus de poire avec une variété typique aussi du nord du Loir-et-Cher. Alors, c'est pas la même variété que dans le poiré. Là, c'est la poire carésie. Donc, on aura l'occasion de découvrir un jus qui sera plutôt avec des notes citronnées, très rafraîchissant, qui ne ressemble en rien à un jus de poire commun qu'on peut avoir l'habitude de déguster dans le commerce. Et pour l'avoir goûté, il est super bon. Donc ton projet s'appelle la pomme originelle. Est-ce que tu peux nous dire justement sa spécificité ? Eh bien oui, alors en fait il s'agit d'une petite cidrerie qui est basée à Thézé dans la vallée du Cher, donc entre Saint-Aignan et Montrichard. Donc le côté un peu atypique est le fait que je ne possède pas ni n'entretiens de verger en fait. Je ramasse des fruits que personne ne ramasse. Donc pour les pommes, enfin les pommiers dont je parlais au nord du Loir-et-Cher, il s'agit d'anciennes exploitations citricoles dont les fruits ne sont plus exploités. Et il y a donc un partenariat que j'ai mis en place avec différentes personnes sur différents sites, des lieux complètement préservés, qui ne sont pas certifiés bio, du fait qu'il s'agit un petit peu de lieux qui n'appartiennent pas à des producteurs, mais il semblerait que les choses changent et que potentiellement je risque de peut-être pouvoir faire certifier une partie de ma production. On en reparlera à une autre occasion. Et les poires viennent de ce secteur-là aussi. Et je ramasse également des fruits après plus localement. Donc là, je parle du nord du département. Mais quand on est au sud, autour de Thésée, il y a dans la campagne des pommes à croquer, hein, comme on peut avoir dans nos jardins, que parfois certaines personnes ne ramassent plus. Donc là encore, je veille à ce que les lieux soient préservés. Et là, c'est plus un principe de troc avec les propriétaires de, on va dire, ces quelques rares pommiers. Donc des fois, ça peut être un pommier, deux pommiers chez une personne. Et je fais avec ces pommes-là un jus qui s'appelle Ganache au bord du Cher. Mais il n'y aura pas de disponibilité pour le goûter à Bulle au Centre, mais il y aura une récolte l'automne prochain 2024. Donc voilà un peu le côté un peu atypique donc de la cidrerie. Donc tu me donnes aussi l'occasion de rappeler la charte Bulle au Centre. Toutes les boissons qui seront présentées à Bulle au Centre, en tout cas tous les pétillants, doivent être en méthode ancestrale uniquement. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une seule fermentation qui se termine en bouteille. On ne demande pas de label bio, mais on demande à ce qu'il n'y ait pas de produits chimiques de synthèse, que ce soit dans les vergers, dans les vignes ou après lors de l'élaboration. Et une dose de soufre limitée à 50 mg par litre. Donc voilà le petit rappel de la charte Bulle au Centre. Toi, Flavie, ce n'est pas ta première participation au salon. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir cette année ? Eh ben déjà, j'aime beaucoup, beaucoup ce salon. C'est un bel événement qui nous permet, bon, déjà pour la partie professionnelle, d'interagir avec d'autres personnes qui font des bulles, et des bulles de cette manière-là en méthode ancestrale. Et donc c'est un micro-milieu qui nous permet d'échanger, d'approfondir. Ensuite, le fait que ce soit proche à Amboise, je trouvais que c'était quand même significatif et important d'être là. J'ai pas hésité une seconde dès que j'ai eu l'annonce de la date pour Bulle au Centre. Et ensuite, pour moi, cette méthode ancestrale permet de faire des bulles fines, légères, très aériennes. Et je trouve que c'est quand même important de maintenir, de continuer à faire un événement qui soit dédié à cette méthode-là. Donc pour moi, c'est hyper important d'y participer. Thomas disait tout à l'heure quelques mots de l'ambiance de 2016. Est-ce que tu peux nous décrire justement l'ambiance du salon ? Eh bien alors, je n'arrive pas à me souvenir, la première édition, je suis venue à Bulle au Centre, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2014 ou 2016, je ne sais pas. En tout cas, je sais que je suis venue et que c'était comme Thomas à Montrichard, et que les années qui ont suivi, pas toutes les éditions, mais je suis venue à diverses reprises. Donc à ce moment-là, je n'étais pas installée, hein. Je travaillais dans le milieu du vin comme caviste et j'appréciais énormément cette diversité de bulles en fait, puisqu'il y a des viticulteurs de régions différentes. Donc il y a des bulles issues de cépages différents, et comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a aujourd'hui des bulles différentes avec des fruits, notamment tu parlais du pétillant de Mirabel, d'un jeune cidriculteur lorrain. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir et c'est très inspirant. Et en fait, il y a une dynamique où tout le monde est heureux d'être là et de se retrouver. C'est très convivial et les visiteurs sont des gens curieux, qui posent des questions, qui sont un peu intrigués, qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer ce type de bulles, mais qui sont très ouverts et désireux de découvrir. C'est vrai que ce côté chaleureux, c'est quelque chose qui ressort tout le temps quand on parle de Bulle au Centre. Donc ça me fait très plaisir que ça continue dans ce sens. Il y aura aussi d'autres stands, en fait, lors de Bulle au Centre. On a toujours eu envie de montrer d'autres choses que des boissons. Donc il y aura, hormis deux brasseurs, il y a aussi un stand de pain bio, les pains de 6 qui est installé à Noisy. Il y aura la ferme de la Grue qui présentera du fromage de vache. Il y a le magasin bio de Mont-Louis qui s'appelle Biolinette qui va faire des crêpes. Camille Marty, qui produit des fruits rouges et qui fait des sorbets, des confitures, des coulis à base de ces fruits, et qui proposera tout ça en direct dimanche lors de Bulle au Centre. Mais il y aura aussi des artisans d'art, une photographe paysanne, un linograveur et une savonnière, mais aussi une créatrice textile. Donc il y a vraiment plein de choses à découvrir, même en dehors des stands de pétillants. Pour conclure, je vais vous demander, du coup, Thomas et Flavie, qu'est-ce que ça représente pour vous, la méthode ancestrale? Qu'est-ce que ça vous évoque, que ce soit au niveau du goût? Est-ce que vous avez un petit secret de fabrication à partager? Flavie, vas-y. Pardon. T'inquiète pas, vas-y, tu peux y aller. Oui, bah alors on l'a un petit peu effectivement évoqué sur ce côté très spontané de la bulle. Moi, alors je trouve ça assez magique dans le sens où on parle vraiment voilà d'une méthode ancestrale, on parle de pétillant naturel. Donc j'ai envie de dire que des fois, ces jolies bulles sont loin d'être simples à maîtriser, puisque en l'occurrence, moi, j'ai parlé de ce que je fais. Hein. Pour la pomme et la poire, on a quand même des automnes de plus en plus chauds avec des fermentations en cuve qui démarrent très vite. Enfin, en l'occurrence, tout dépend si on est équipé de froid ou pas, mais ce n'est pas mon cas. Et donc, il faut vraiment déterminer le bon moment pour mettre en bouteille. Donc, on a toujours un peu l'impression de partir un peu vers une inconnue. On ne sait jamais exactement où on va. Moi, je dis ça dans le sens où j'ai démarré il y a seulement 2 ans. Donc, je n'ai pas encore beaucoup d'exercice à mon actif. Donc, j'aime ce côté spontané, inattendu un petit peu, où on essaie de travailler le plus précisément possible. Et à chaque fois, bah, c'est voilà. Parfois, c'est un petit peu plus sec que ce qu'on pense, des fois un peu plus rond, puisqu'en fait, bah, le principe, on l'a évoqué avant, hein, on met en bouteille, il y reste du sucre, il reste des levures. Ces levures continuent à dégrader le sucre en alcool. Il y a un dégagement de gaz carbonique, c'est ce qui crée, c'est ce qu'on appelle cette prise de mousse naturelle, cette effervescence en bouteille. Et parfois, si la dynamique fermentaire, enfin les levures sont très en forme, ça peut aller relativement vite. Donc c'est tout un exercice de maîtriser le fait que ça n'aille pas trop vite, justement, qu'il n'y ait pas de surpression dans les bouteilles, que ce soit fin, avec des bulles agréables. Donc c'est quelque chose qui est très spontané, voilà. Merci Flavie. Et toi Thomas ? Ce que j'aime beaucoup chez moi à la maison, c'est que le pétillant naturel, je le fais de A à Z. Je le tire, enfin je le mets en bouteille, je le dégorge à la main, je l'étiquette, enfin tout est fait à la maison. Et j'aime bien ces gestes-là de manipulation et puis de dégorgement. Et, voilà, ça participe un peu aussi au fait que ça soit des... Enfin, chaque bouteille, c'est pas industriel, quoi. C'est quelque chose qui est... Il y a la main du producteur. Ouais, voilà. Oui, ça, c'est quelque chose de, voilà, de joli. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Marlène et Vincent de nous avoir accueillis sur le plateau de Radioactive aujourd'hui. Eh bien, avec grand plaisir. Merci Julie. Ça donne très envie du coup d'aller découvrir tout plein de produits, vous l'aurez compris. Ce salon de vin pétillant naturel qui s'appelle Bulle au Centre aura lieu dimanche 7 juillet de 11h à 19h. Ce sera au lieu La Charpente à Amboise, aux 4 rue Charles Péguy. Et vous êtes tous bien évidemment invités à venir découvrir les bons produits que vous pourrez y trouver. Alors moi je voulais juste ajouter qu'on peut venir déjeuner sur place parce que dès la fin de matinée, il y aura 2 food trucks, Dabali Food Truck, qui propose de la cuisine d'Afrique de l'Ouest, et le bar à salade des maraîchers de Rochecorbon, qui s'appelle La Belle au Pois Gourmand, et qui proposeront des salades toutes fraîches. Parfait. Ah, vous avez pensé à tout. Hein. On essaye. Il ne faut pas faire que déguster, il faut aussi manger un petit peu. Donc on vous souhaite à tous un bon dimanche bullesque à La Charpente. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau mag. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur Radioactive 93 et 94.7 FM. Et que si vous voulez toutes les infos concernant le salon Bulle au Centre, vous pouvez les retrouver sur Facebook et Instagram. Très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Belle soirée.